Avril 1852. Mon Edmond, il faut me pardonner. Pour la première fois de ma vie, et dans la crainte d'augmenter ton chagrin, je te trompais. Tes prévisions étaient justes. Les malheureux événements qui nous ont frappés, coup sur coup, ont épuisé nos modiques ressources. Il m'a été impossible de trouver pour ma fille et pour moi aucun travail de couture. Et après avoir vécu de dures privations, le moment approche où je serai forcé de vendre les quelques meubles qui nous restent afin de ne pas mourir de faim. Mon ami, je vois d'ici couler tes larmes. Je devine tes angoisses. Rassure-toi, rassure-toi. Ce moment d'effroi, j'ai eu la méchanceté de te le causer pour te rendre plus doux encore ton ressentiment de bonheur lorsque tu vas apprendre que nous sommes tous trois sauvés. Oui, sauvés. Sais-tu par qui? Par un ange. Et cet ange... c'est ton fils, notre Albert, car c'est à lui que revient la première pensée de notre salut. Et maintenant, mon ami, essuie tes larmes et continue de lire cette lettre. En la lisant, ton cœur sera ravi, comme l'est le mien en l'écrivant. Avant-hier soir, les enfants et moi, après avoir dîné avec un peu de pain et de lait froid, car depuis longtemps nous ne faisons plus de feu, faute de bois, nous nous étions couchés à la tombée du jour, afin d'épargner l'éclairage. Juliette et Albert ne s'abusaient pas sur notre position. Ils la savaient désespérée. Ils voyaient comme moi s'avancer à grands pas la misère. Mais je te le jure, sur mon amour pour toi et pour nos enfants, mon Edmond, jamais, oh jamais, la moindre plainte n'est sortie de leurs lèvres. Les dernières et saintes paroles de notre mère ont été notre évangile. Oui, jusqu'à la fin, nous t'avons glorifié dans nos souffrances, pauvre et noble martyr du devoir. Oui, nous étions fiers, nous aussi, de souffrir pour la cause sacrée du juste et du bien. Avant-hier soir, moi et les enfants, nous nous étions donc couchés à la tombée de la nuit. Soudain, Albert, qui depuis quelques instants gardait le silence, me dit « Mais mon Dieu, maman, je pense à une chose. » « À quoi, mon enfant ? Lorsque nous sommes allés avec toi porter les couverts d'argent chez la bijoutière, te souviens-tu d'avoir vu une petite fille de l'âge de Juliette que la bijoutière grondait pendant que nous étions là, en lui disant « Si tu me mécontentes encore, je ne te garderai pas chez moi. » « Oui, je me souviens de cela, mon enfant. Cette petite fille était, m'a dit la bijoutière, son apprentie. » « Eh bien, maman, pourquoi donc Juliette et moi ne serions-nous pas apprentis dans quelque métier? Je ne suis plus un enfant, j'ai plus de 12 ans. Et puis tu sais, quand notre bon père voulait me donner un joujou à sa fête ou pour mes étrennes, je lui demandais toujours de petits outils de menuisier. Aussi, je t'assure que cela m'amuserait beaucoup d'être apprenti menuisier. Bien vrai, bien vrai. Sans compter qu'ainsi, je ne te coûterais peut-être plus rien, maintenant que nous sommes si pauvres. » « Mon Dieu, maman, mais Albert a raison, » s'écria Juliette. « Si l'on voulait nous prendre comme apprenti quelque part, tu n'aurais plus rien à dépenser pour nous. » Puis elle ajouta avec un soupir, « Cela nous éloignera de toi, il est vrai. » « Mais ma sœur, si nous étions, comme tant d'autres enfants, internes dans un pensionnat, ainsi que je l'ai été pendant ces derniers mois, » reprit Albert, « est-ce que nous ne serions pas aussi séparés de maman ?» Puis les deux enfants, auxquels je ne répondais pas, étonnés de mon silence, ajoutèrent, « Mère, mère, tu ne nous dis rien. Est-ce que tu es fâchée ?»« Oh, mon Edmond, mon cœur se fondait en larmes délicieuses. Dis, mon ami, cette pensée venue à l'esprit de nos enfants, cette pensée remplie de raison, de dévouement, de courage, d'amour du travail, n'est-elle pas la plus douce récompense des enseignements, des exemples que nous leur avons donnés? Leur bon cœur, leur tendresse, trouvaient la solution des difficultés redoutables qui m'épouvantaient depuis longtemps. Mon Albert, ma Juliette, m'écriai-je. Venez m'embrasser, mes enfants. Venez, vous nous sauvez. » Ils accoururent dans l'ombre et se jetèrent à mon cou. Avec quelle ivresse je pressai contre moi leurs chères petites têtes adorées. Ils se mirent à pleurer en m'entendant, en me sentant pleurer, car mon visage touchait au leur. Mais quelle douce larme! Cette première émotion passée, nous tenant dans mon lit tous les trois embrassés, nous avons causé de nos projets. La pensée d'Albert, si bien comprise et acceptée par sa sœur, était pour moi un trait de lumière. Nos enfants casés, il faudrait bien que je trouvasse à me placer moi-même, fût-ce comme servante. Cette idée m'était souvent venue, mais je m'étais toujours dit « Et nos enfants, que deviendront-ils loin de moi ?» Tandis que s'ils étaient employés comme apprentis, la difficulté s'aplanissait. Une fois mon esprit ouvert par l'heureuse inspiration d'Albert, son désir me parut très réalisable. Ce cher enfant aimait beaucoup, tu t'en souviens, à clouer, à raboter, à ajuster des bouts de planches sur le petit établi, jouet que nous lui avions donné au jour de l'an. Il possédait quelques notions de dessin. Elles devaient lui être utiles dans l'apprentissage d'un métier dont le perfectionnement exige les connaissances du dessin linéaire. Je me souviens de M. Moulin, l'ébéniste, qui plusieurs fois nous avait fourni des meubles. C'était un digne et honnête artisan. Et sa femme, qui d'habitude venait toucher à la maison le prix des mémoires, m'a paru être une excellente personne. Je me suis rappelé une preuve de délicatesse de sa part. En soldant un de ses comptes, je lui donnais un jour 10 francs de trop. 2 heures après, elle me rapportait ses 10 francs. La probité est presque toujours le symptôme d'un bon cœur, et notre enfant serait dignement placé dans cette honorable famille d'ouvriers. Nous tâcherons de faire entrer Albert comme apprenti chez l'ébéniste, disions-nous. Voici donc Albert placé. Nous désirions si vivement l'exécution de ce projet que nous ne doutions pas de sa réussite. Quant à Juliette, notre espérance devenait presque une certitude. La bijoutière à qui j'avais vendu notre argenterie est veuve, et, ainsi qu'Albert nous le rappelait, elle avait devant nous menacé sa jeune apprentie de ne pas la conserver si elle ne la contentait pas davantage. Peut-être cette place serait-elle devenue vacante? Tu comprends, mon ami, l'ardeur de nos voeux à ce sujet. Quelle occasion inespérée! Pouvoir caser Juliette chez une femme veuve. Et puis l'apprentissage de la bijouterie ne devait pas être pénible. Albert se souvenait que la petite fille, grondée par sa patronne, brunissait des couverts. Voilà donc pour Juliette, disions-nous. Nous ignorions les conditions d'apprentissage des enfants, mais en admettant que l'on fût obligé de payer pour eux une modique pension durant la première année de leurs travaux, j'espérais pouvoir subvenir à cette dépense et pouvoir solder au moins un semestre d'avance, car il nous restait encore le mobilier de notre chambre, une assez grande quantité de linge de lit et de table. La vente de ces derniers objets suffirait sans doute aux frais de l'apprentissage. Je ne saurais t'exprimer, mon ami, la joie de ces chères créatures, en songeant que peut-être elles pourraient ne mettre presque plus à charge et commencer à gagner leur vie. Leur petite tête s'échauffait tellement dans l'entraînement de nos espérances qu'il me fallut impérieusement exiger, en accompagnant cet ordre des plus tendres baisers que je leur ai jamais donnés, qu'il me fallut impérieusement exiger qu'Albert et Juliette regagnassent chacun leur lit. Hier matin, au point du jour, je me suis habillée pour me rendre d'abord chez M. Moulin, l'ébéniste. Je lui ai, en 2 mots, exposé notre pénible situation et mon désir de placer Albert apprenti chez lui, répondant de l'intelligence, du zèle et de la docilité de ce cher enfant. Ma déconvenue a d'abord été cruelle. M. Moulin employait 2 ou 3 ouvriers. Ce nombre lui suffisait et il pouvait se passer de l'aide d'un apprenti qu'il ne saurait d'ailleurs où loger. Heureusement pour nous, Madame Moulin est intervenue, et lorsqu'elle a su ce dont il s'agissait, qu'en un mot la nécessité m'obligeait de mettre mon fils en apprentissage, les larmes lui sont venues aux yeux. Elle a fait à son mari cette observation qui, tu le penses, m'a paru des plus sensées. « Mais mon ami, a-t-elle dit, rappelle-toi donc que tu te plains souvent de ce qu'il y a ici, beaucoup de petits travaux dont un apprenti pourrait se charger, et que nos ouvriers, obligé de s'en occuper à sa place, perdent ainsi un temps qu'il pourrait mieux employer. « C'est vrai, répondit M. Moulin. À la rigueur, un apprenti ne serait pas de trop chez nous. Mais tu sais bien que nous n'avons pas de quoi le loger. « Mais si, répondit Mme Moulin après quelques moments de réflexion. Est-ce que nous n'avons pas le cabinet où tu mets sécher tes bois de plaquage? Il est bien aéré, il y a un poêle, et en rangeant tes bois, au lieu de les laisser éparpillés, on trouvera facilement dans ce cabinet la place d'un lit, d'une chaise et d'une commode. « Tu as raison, reprit l'ébéniste, je ne songeais pas à cela. » « Le petit garçon de Madame Morand sera très bien là, ajouta la femme de l'ébéniste, car j'y logerai mon fils si j'en avais un. » Et s'adressant à moi, « Vous pouvez croire, madame, que votre enfant sera soigné ici comme l'enfant de la maison. » Et le prix de la pension d'apprentissage, demandai-je à cette brave femme. On donne généralement, madame, 100 à 120 francs pour la première année, dont on paie 6 mois d'avance, répondit M. Moulin. Et si l'apprenti est intelligent, au bout d'une année, son travail le défraie. Mais il est entendu qu'il est seulement nourri, logé et blanchi. Son entretien reste à la charge de ses parents. Ainsi, moyennant 120 francs, lui dis-je, vous vous chargeriez de mon fils pendant une année ? Oui, madame, et de bon cœur, me répondit Madame Moulin. Vous êtes dans la peine, vous faites un grand sacrifice en vous séparant de votre enfant. Nous tâcherons que ni vous ni lui n'en soyez fâchés. J'espère, et je suis bien certaine, que vous aimerez mon Albert comme vous aimeriez votre fils, ai-je répondu. Nos conventions ainsi arrêtées, j'ai désiré voir le cabinet où coucherait Albert. Hélas, mon ami, il faut oublier la jolie chambre de nos enfants au temps de notre bonheur. Rien ne ressemble moins à cette chambre que le cabinet que j'ai visité. Mais, du moins, ce logement offre toutes les conditions de salubrité désirables. Les murailles sont, il est vrai, nues et sans papier. Mais une grande fenêtre éclaire cette pièce, chauffée en hiver par le poêle qui sert au séchage des bois. Je te le répète, ce logement est sain et bien aéré. Du reste, j'ai remarqué d'un coup d'œil que tout dans la demeure de Madame Moulin est d'une excessive propreté. J'ai partout reconnu la présence d'une ménagère soigneuse et ordonnée. Ainsi, crois-moi, mon Edmond, ce cher enfant sera chez ces excellentes gens aussi bien que peut l'être un apprenti, puisqu'il accepte résolument cette condition. En sortant de chez l'ébéniste, je me rendais chez la bijoutière, lorsque j'ai par hasard rencontré Madame Dubreuil, notre lingère. Il est, mon ami, un dieu pour les mères. Justement, j'allais chez vous, ma bonne Madame Morand, me dit Madame Dubreuil. Vous savez que ce n'est pas faute de bonne volonté si je n'ai pu vous occuper, vous et votre demoiselle. Mais j'ai à vous proposer quelque chose qui pourra peut-être vous convenir, si vous n'êtes pas trop fière. J'ai besoin de gagner ma vie, lui ai-je répondu. C'est tout vous dire. De quoi s'agit-il ? Madame Charpentier, ma cousine, tient, vous le savez, un commerce de nouveautés, me dit notre lingère. Son mari est voyageur dans la même partie. Elle a congédié dernièrement sa demoiselle de boutique. La place est vacante. On est nourri, logé, blanchi. Et les appointements sont de 300 francs. Voilà le beau côté de l'affaire. Mais je ne vous le cache pas, et ce sera peut-être pénible pour une personne comme vous, qui n'êtes pas habituée à la fatigue, il faudra aider la servante à balayer, à ranger, à ouvrir et à fermer le magasin, car la bonne a fort à faire dans la maison, à cause des enfants. Il faut ensuite être au comptoir depuis le matin jusqu'au soir, vendre et s'occuper des écritures de commerce, parce que ma cousine, qui est d'une très mauvaise santé, ne peut pas toujours descendre au magasin. Elle m'avait demandé si je connaissais quelqu'un de confiance, alors j'ai pensé à vous. Je dois ajouter que vous serez libre le dimanche. Ainsi, chaque semaine, je pourrais voir mes enfants, m'écriai-je, croyant faire un rêve, mon ami, tant j'étais heureuse de cette bonne fortune inattendue. Et les larmes aux yeux, serrant dans ma main les mains de notre lingère. Ah, pourvu, mon Dieu, que votre cousine consente à me donner cette place. Cela dépend absolument de vous. J'ai dit à ma cousine que vous étiez la femme de M. Morand, l'ancien caissier de M. Heurtier. Elle s'est décidée tout de suite, mais elle désire, si cela se peut, que vous entriez au magasin le plus tôt possible. Je dois enfin vous prévenir que ma cousine, bonne femme au fond, est depuis longtemps malade et que son caractère s'aigrit quelquefois. Je vous dis cela entre nous, pour votre gouverne. Pauvre femme, elle souffre, dis-je à notre lingère. Déjà je m'intéresse à elle. Ne lui dois-je pas une vive reconnaissance ? Ne vient-elle pas à mon aide dans un moment presque désespéré ? Oh, elle sera par moi entourée de soins si affectueux que, loin de s'aigrir, son caractère s'adoucira. Je te le répète, mon Edmond, je croyais rêver. Tous les bonheurs m'arrivaient à la fois. J'accompagnais notre lingère chez Madame Charpentier, ma future patronne. C'est une femme d'à peu près de mon âge. Son visage est maladif. Elle m'a très obligeamment accueillie, et nos conditions réglées, elle m'a conduite à la chambre que je dois occuper au dernier étage de la maison. Cette chambre est petite, mais très logeable. Il a été convenu que j'entrerais en fonction le lendemain. Assurée de gagner 300 francs par an, 300 francs, mon ami, je peux à peine le croire, j'ai pensé devoir renoncer à mon projet de placer Juliette en apprentissage, Elle a 14 ans passés. Son état d'apprenti exigerait nécessairement qu'elle fît souvent seule des courses dans la ville. Or, mon ami, tu connais la surmontable timidité de notre chère enfant. Et quoique résolue de partager le dévouement de son frère, elle aurait plus d'une cruelle épreuve à subir dans son état d'apprenti. Voici donc ce à quoi je me suis décidée. Je me souvins d'avoir entendu parler d'une modeste maison d'éducation de demoiselles située hors de la ville. Le prix de la pension était, dit-on, très peu élevé, la clientèle de cet établissement se composant surtout de filles de chefs d'atelier ou de fermiers dans l'aisance. Je me suis aussitôt rendu à ce pensionnat. Il est situé à un quart d'heure d'Orléans, sur la route d'Olivet, dans une position riante et salubre. Les élèves sont au nombre de 50. Le prix de la pension est de 200 francs, tout compris. Voici comment s'explique la modicité de cette rétribution. Il n'y a dans l'établissement que 2 servantes, chargées des travaux les plus pénibles. Toutes les pensionnaires, dès qu'elles ont atteint l'âge de 12 ans, font leur lit, le service de la maison, et s'occupent à tour de rôle de tous les soins du ménage, depuis ceux de la lingerie jusqu'à ceux de la cuisine, sous la direction d'une sous-maîtresse. Il y a mieux. Ce pensionnat entreprend pour le dehors beaucoup de travaux de couture, de broderie et de tapisserie. Et dès qu'une élève est en état de travailler avec assez de perfection pour que son ouvrage rapporte quelques gains, un compte lui est ouvert. Et à la fin de l'année, son gain, souvent minime, il est vrai, mais qui peut s'élever cependant jusqu'à 30, 40, 50 francs, rembourse une partie du prix de la pension. La directrice m'a cité des jeunes filles de qui la pension ne coûtait ainsi que 120 à 130 francs à leurs parents. J'ai été très frappée des avantages d'une pareille éducation. On doit y puiser d'excellentes habitudes d'ordre, de travail, d'économie et la connaissance pratique de tous les détails d'une maison. La directrice m'a paru être une femme véritablement remarquable. Elle m'a montré le programme des cours. Il n'est pas ce qu'on appelle très brillant, mais suffisant à donner une instruction solide. Les talents d'agrément sont remplacés par des notions utiles sur la tenue des livres et la comptabilité. La maison est parfaitement tenue, quoique le service soit fait presque exclusivement par les élèves. Je n'ai pas hésité un instant à placer Juliette dans ce pensionnat. Il fallait payer un trimestre d'avance et fournir un trousseau. La vente de nos derniers meubles devait suffire à solder le trimestre exigé, ainsi que 6 mois de l'apprentissage d'Albert. Quant au trousseau, Dieu merci, Juliette ne manquait de rien. Ainsi, grâce à ses ressources, mes appointements suffiront cette année du moins à compléter la somme nécessaire au petit établissement de nos enfants. Je revins en hâte et tout heureuse à la maison, à prendre aux enfants le succès de mes démarches au sujet de l'apprentissage d'Albert et le hasard inespéré qui m'assurait une place de dame de comptoir. Albert fut ravi et Juliette un peu jalouse de son frère, dont l'apprentissage ne nous coûterait que 120 francs, tandis que sa pension, à elle, coûterait 200 francs. Mais je la consolai en lui disant que quelques-unes des élèves parvenaient souvent à payer une partie du prix de leur pension par le gain de leur travail et qu'elles seraient certainement du nombre de ces laborieuses. Tu dois comprendre, mon Edmond, notre contentement et quel allègement de cœur succédait, chez moi, aux cruelles angoisses dont j'étais, depuis si longtemps, bourrelée. Il fut convenu que nous passerions ensemble tous les dimanches dans ma chambre, lorsque le mauvais temps nous empêcherait de sortir, et que par les beaux jours, nous ferions de longues promenades aux environs d'Orléans. Nos enfants se proposaient déjà, le printemps venu, d'emporter quelques provisions dans un panier, afin d'aller goûter sous les beaux ombrages des bords du Loiret. Mais Juliette, dont la figure s'attrista soudain, dit à son frère « Non, il faudra choisir une autre promenade que les bords du Loiret. Nous y allions goûter autrefois avec papa, et en nous retrouvant dans les mêmes endroits, nous ne ferions que pleurer, et maman pleurerait comme nous. » Je n'ajoute rien à cette réflexion des enfants, mon ami. Tu devines quelle fut mon émotion. Vers midi, j'ai habillé Juliette et Albert pour les présenter, lui à son futur patron et elle à sa maîtresse de pension. Je désirais aussi conduire nos enfants chez Madame Charpentier, qui, en m'acceptant comme dame de comptoir, me rend un service inespéré. Ces chers enfants, par leur gentillesse, par leur bonne grâce, par leur modestie, firent la conquête des personnes avec lesquelles, eux et moi, nous devions vivre désormais. Je m'occupai ensuite de la vente de nos meubles, matelas, etc., linge de lit, rideaux, etc. Cette vente produisit 210 francs. J'obtins de notre propriétaire, à qui j'avais payé une année d'avance et chez qui nous n'avions logé qu'un terme et demi, une restitution de 40 francs. Je payai le trimestre de la pension de Juliette et 6 mois de l'apprentissage d'Albert, réservant pour toi, pauvre ami, le surplus de la somme. Dans ta dernière lettre, il est vrai, tu m'apprends que l'argent que je t'ai envoyé au mois de décembre est encore à peu près intact entre les mains de l'officier chargé de garder les envois pécuniaires adressés aux transportés. Mais je crains, mon ami, que tu ne te prives pour nous, et tu le vois, après de cruelles incertitudes, notre sort à tous trois est maintenant assuré. Hier soir, dernière soirée que nous avions à passer ensemble, les enfants et moi, nous avons fait une petite débauche, nous avons allumé du feu, une chandelle, et nous avons veillé jusqu'à 10 heures du soir, comme au bon temps. Hélas, tendre ami, 2 places étaient vides au milieu de nous, celle de notre mère et la tienne. Mais comme toujours, vous étiez avec nous par la pensée. Je t'ai écrit bien souvent depuis la perte irréparable que nous avons faite, pauvre ami. Nous éprouvons un charme mélancolique à nous entretenir de notre mère. Les enfants, presque à chaque jour, me disaient « Te souviens-tu quand grand-mère nous disait ceci, cela ? Te souviens-tu du jour où grand-mère nous avait emmenés à la promenade avec elle ?» etc., etc. Et ces souvenirs, sans cesse rappelés par nous, ont, je te l'ai dit, ce charme doux et triste que l'on éprouve à s'entretenir d'une personne chérie et absente. Pendant cette dernière soirée, un trait d'exquise bonté de la part de Juliette m'a touché jusqu'aux larmes. Nos enfants avaient su par moi le sort des orphelins laissés par ton malheureux compagnon d'exil. Ressentant le double intérêt que leur inspirait le malheur et la conformité de l'âge, ils me parlaient souvent de Pierre, de Marie et du petit Dominique dont ils avaient retenu les noms. Hier, durant notre entretien, nos enfants se félicitaient des circonstances grâce auxquelles nous trouvions du moins désormais la sécurité de l'avenir. Juliette, après un moment de réflexion, soupira et dit « Il y a quelque chose de chagrinant dans le bonheur qui nous arrive quand on songe que ce bonheur-là n'arrive pas à d'autres. » Puis, me regardant, elle ajouta, tandis qu'une larme roulait sous ses longs cils, « Maman, je dis cela en pensant aux enfants de Monsieur Sylvain, qui sont maintenant et pour jamais sans père ni mère. Ne trouves-tu pas, mon Edmond, ce retour sur le sort de ces pauvres orphelins d'une bonté touchante et charmante? Ah, mon ami, si tu as le cœur adorable de notre mère, tes enfants ont le tien. Je te retrouve en eux à chaque instant, et cela me console, me réconforte, m'encourage. Fasse le ciel que mon espoir ne soit pas trompé, et il ne le sera pas, car Dieu est juste. Fasse le ciel que tu nous reviennes, et nous accomplirons pieusement, selon la limite de notre pouvoir, cette dernière prière de ton compagnon d'exil. Monsieur Morand, si vous revoyez jamais la France, je vous recommande mes pauvres enfants. J'ai prié, tu le sais, le directeur du dépôt de mendicité, d'avoir la bonté de m'informer, de temps à autre, du fils et de la fille de M. Sylvain, et de me faire part de ses renseignements. Il a très obligeamment accueilli ma demande. Sa dernière lettre m'apprend que Pierre et Marie sont l'exemple de tous, et à l'encontre de tant d'autres pauvres abandonnés, loin de perdre en prison leur bonne qualité, loin de se corrompre, ces pauvres enfants restent ce qu'ils étaient, d'excellentes créatures. Je leur écris de temps à autre, afin qu'ils sachent, ces orphelins, que du moins en ce monde, quelqu'un s'intéresse à eux. Tu as dû voir, par la petite lettre que Marie m'a répondu et que je t'ai envoyée, combien ils nous sont reconnaissants. Hélas, je ne puis rien faire de plus pour eux que de les plaindre et de les aimer. Mais lorsque tu nous reviendras, nous tâcherons de leur être utiles. Ce matin, l'heure de notre séparation est venue. Nous avons été tous trois très courageux. Je n'ose cependant pas trop insister sur notre héroïsme, car c'est aujourd'hui jeudi, et nous devons passer ensemble la journée de dimanche. J'ai conduit Albert chez son patron. Son excellente femme avait eu l'attention de tailler et de coudre un petit tablier de toile verte pour son nouvel apprenti, son tablier d'ébéniste, comme il dit fièrement. Et pour comble de bonheur, le dit tablier s'attache derrière le dos au moyen d'une agrafe de cuivre figurant un lion. Ce lion et ce tablier ont été la joie d'Albert. Je lui ai acheté 4 blouses bleues à sa taille, afin de ménager ses habits. Il portait ce matin l'une de ses blouses. Le col de sa chemise était rabattu sur sa cravate noire. Que te dirais-je, Il était joli comme un ange sous ce costume de travail. Après un tendre embrassement, je l'ai laissé dans son atelier et j'ai conduit Juliette à sa pension où elle a été parfaitement accueillie par la directrice. Je me suis rendu ensuite à mon magasin et quoique Madame Charpentier ait voulu me laisser la disposition de ma première journée, j'ai au contraire désiré l'employer à me mettre tout de suite au courant de mes fonctions et du prix des objets dont la vente m'était confiée ainsi que de tous les menus détails de ce commerce. Le soir, à l'heure de la fermeture du magasin, la servante étant occupée auprès de sa maîtresse, j'ai fermé moi-même la boutique, après quoi je suis montée chez Madame Charpentier pour lui demander si elle n'avait plus besoin de mes services. J'ai, enfin, regagné ma petite chambre d'où je t'ai écrit, mon Edmond. Afin que tu me voies de là-bas, ici, je vais en deux mots te dépeindre ma demeure. Elle est mansardée. Les murs sont tapissés d'un papier jaune à bouquet vert. À côté de la porte se trouve une petite commode peinte en gris. En face de la porte est la fenêtre, et au-dessous, une table avec une cuvette et un pot à eau. Mon lit en fer, sans rideau, est au fond, et de chaque côté du lit s'ouvre un placard. Il n'y a pas de cheminée dans cette chambre, mais comme je n'y monte que pour me coucher, je n'ai nullement besoin de feu. Ce n'est pas, tu le vois, un palais, mon ami. Cependant, avec quelle douce sécurité je vais ce soir me dormir dans ce modeste réduit. Avec quelle douce sécurité je m'éveillerai demain, enfin rassuré pour longtemps sur le sort de nos enfants et sur le mien. Bonsoir, mon Edmond. Cette longue lettre t'annonce, tu le vois, une révolution, et une heureuse révolution dans notre vie. J'attends avec impatience ta réponse, afin de savoir si, comme je l'espère, tu approuves le parti que j'ai pris au sujet des enfants. Encore adieu, tendre ami. Voici mes nuits, je me sens un peu fatigué, mais de cette bienfaisante fatigue qui provoque au sommeil. Il faut que demain à 7 heures j'ouvre le magasin, et ma nouvelle condition est pour nous si précieuse, si inespérée, que je veux conserver ma place grâce à tous les efforts de zèle imaginables. Adieu, tendrement adieu, je t'embrasse comme je t'aime. Louise.